J'suis dans le bâtiment, j'fais des sous, j'pense qu'à l'oser. J'ai changé d'avis, j'l'ai vu passer, mais la voir, j'ai pas osé. J'veux du love et des lovés, donc j'veux les deux, c'est plus pareil. Elle veut mon cœur et moi aussi, et à la chute, tu préparais. Mais j'suis un bandit du ghetto, j'veux pas briser ton cœur pendant que les keufs ils frappent à la porte. Hey, j'suis loin, n'aie pas peur. Elle est habillée en tiffin, elle a des chaussures qui piquent. Elle est regardée par tout le monde quand elle se marre sur la piste, baby. Tu la ramènes pas à l'hôtel, elle veut les îles, la bague au doigt, sinon c'est mort, c'est pas la peine. J'dors avec elle la nuit, y'a pas une nuit, j'm'en cale à peine. J'fais tout pour elle quand il le faut, à présent tu deviens ma babe. Une mexicaine, une mexicaine, elle est belle, elle a du charme, c'est une mexicaine. Une mexicaine, une mexicaine, elle est belle, elle a du charme. Elle me fait tourner la tête, c'est une mexicaine, ouais. Elle est belle, elle a du charme, c'est une mexicaine, ouais. Elle me fait tourner la tête, c'est une mexicaine, ouais. Elle est belle, elle a du charme, c'est une mexicaine, ouais. Une mexicaine, ouais. Une mexicaine, ouais. Elle est belle, elle a du charme, c'est une mexicaine, ouais. Une mexicaine, ouais. Une mexicaine, ouais. Elle me fait tourner la tête, c'est une mexicaine, ouais. Marijuana, elle est bonne comme marijuana. Faut que je me tague la vie, j'ai trop vu toi, ma. Elle est tankée comme une mexicaine. Elle fait pas la fille. Elle fait pas la fille. Dans le bolide. J'ai fait la coupe sur le côté, côté. Sur la moto avec ma beauté. Ça veut me descendre pour monter, monter. Et ma mexicaine elle est remontée. Une mexicaine, une mexicaine. Elle est belle, elle a du charme. C'est une mexicaine. Une mexicaine, une mexicaine. Elle est belle, elle a du charme. Elle me fait tourner la tête, c'est une mexicaine, ouais. Elle est belle, elle a du charme, c'est une mexicaine, ouais. Elle me fait tourner la tête, c'est une mexicaine, ouais. Elle est belle, elle a du charme, c'est une mexicaine, ouais. Une mexicaine, ouais. Une mexicaine, ouais. Elle est belle, elle a du charme, c'est une mexicaine, ouais. Une mexicaine, ouais. Une mexicaine, ouais. Elle me fait tourner la tête, c'est une mexicaine.